Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputé tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chers. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir, prenez l'espoir. Cette fille, entre mes bras, entre mes bras, m'offre la joie. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre. Chercher, il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. Mais oui, excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi.